enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! C'est la tienne, cette émission givrée, destinée à la liberté, à l'absurdité, prête à emporter. J'adore l'errance rénadienne, si aussi c'est à vous, si ceci c'est à moi, si ici peut-être, si ici à part. Vas-y mon ami, chante-moi comme toi, chante-moi comme nous, nous et vous ensemble, c'est ça, j'adore. L'errance rénadienne, si souci, c'est ça, si, hein, si souci, si souci, si souci, si souci, c'est la tienne, cette émission givrée, destinée à la liberté, à l'absurdité, prête à emporter, j'adore. Ça vous enchante, chante avec tes moi, avec tes témoins, des petits béquets, partout, partout, partout, partout, j'adore. Le vendredi à minuit, c'est vous et moi, moi et vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous, moi. agenda. Monsieur Grenier, est-ce là de la musique nouvelle? C'est de la musique presque actuelle. Un succès de ça, le grand Madame Thibodeau. On remercie votre ami Rainé qui s'est placé au clavier électrisant. Si je remarque sa chevelure abondante et frisottée, on l'a branché sur le 220, même si j'avais averti toute la station de radio de CQRL de mettre du 110. Le 110, 220, 110, c'est une émission tellement disjonctée, on va les placer au max, zéro. Là, regardez-y les cheveux. Il a les cheveux bien ordinaires. Mais il y a des fois, je me sens comme Norman Amour, mais il y a des fois, ouh, inspiration. Mais il y a des fois, j'adore. OK. Bien beau adorer, là, mais faut pas tanner le public. On l'a déjà présent. J'ai trois personnes attentives qui m'écoutent avec l'oreille silencieuse. Mais qu'est-ce qui se passe? J'entends! Grand corps malade, mais les yeux grands fermés. Mais non, insignifiant. Le film, F-I-L-M-E, le film. C'est film, c'est pas F-I-L-M. Grand Cossack devenu intérieurement insignifiant. Stanley Morrick. Ah mon Dieu, non, c'est Stanley Morris. Lolita aux yeux bleus. Stan de Blacheur. Les grands yeux fermés par le delà de l'extra. Parce que elle pleurait tellement, la pauvre. Elle pleurait tellement que toutes ses larmes ont explosé en même temps. Et c'est bien sûr, ça s'est fissuré. C'est comme ça que le sang a purjuté. C'est depuis ce temps-là qu'on appelle... On a changé d'octave. La femme aux yeux grands ouverts. Elle voit tout. Son mari, là, quand il se promène, arrête de regarder les femmes, toi. Je t'ai vu. Mais voyons donc, toi, je regardais mon pagette. Mais c'est plus le temps du pagette, là. C'est le temps du cellulaire, des messages sur cellulaire. Puis moi, avec mes jambes pleines de cellulaire, tu dois aimer ça, toi. Insignifiant. Je sais que tu me trompes avec des femmes, là. Des belles grosses femmes joufflues, là, qui te regardent. Viens-t'en, mon grand disque. Griffe-moi le dedans et sors-moi le dehors. Voyons donc. Non. Tu te disais jardinier. Apporte-moi ton boyau. Oh, mon Dieu Seigneur, toi. Est-ce que Gaétan Brisebois peut casser la glace? On demande Gaétan Brisebois pour casser la glace. Je veux dire que c'est un clavier qui se déroule comme émission pendant 120 minutes. Ça se dit, hey, ça fait quoi, 200 kilomètres? On va se rendre à Tombouctou en creusant. C'est comme Tombouctou, Limoilou, il fait noir, il fait clair, il fait chaud, il fait froid, il y a du monde, ça marche sur des... Yeah. T'es inspiré. Hey, moi, regarde, là. Je vois de l'eau au lit, je vois de lit. Hey, le succès, Gaétan. J'adore les rangs. Non, ça, on l'a dit. J'adore. Non, laisse-le tranquille. Dors. Dors mon pu, dors mon... commencer. Ferme-moi ça. Comment ça se ferme? J'attends. C'est Vivaldi. Mais non, c'est Gaétan Boyer. Oh. Là, ils vont nous demander des droits d'auteur, puis on n'a même plus de maudite scène à donner là-dessus. Là. Avez-vous autre chose? Ce soir, brebis égarées, nous sommes rassemblés dans cette grande chaîne de la vie pour nous recueillir face à un insignifiant qui, pendant 12 années, a fait pleurer le Québec par sa pauvreté intellectuelle et sa méconnaissance du genre humain. Il se disait fourvoyeur de l'amour absolu et il s'est retrouvé à 53 ans, j'ai bien dit 53 ans, fauché comme un jardin de blé. Alors pour la dernière fois, nous allons le pleurer, s'il vous plaît. Ok, c'est terminé. Non, mais il faut s'arrêter là, à un moment donné, là. Il n'y a plus de portrait sur le visage des prés près de la création de ces artistes en contemplation devant leur passion. Il n'y a plus de portrait sur le visage des prés, près de la création de ces artistes en contemplation devant leur passion, face à leur génie. Si vous voulez les retrouver, achetez leur création en frappant avec acharnement sur le mensonge, la trahison saignera un jour de la vérité. Aïe, aïe, on répète pour les durs de la feuille. Excusez-moi, monsieur Renal Gagné. Oui, c'est moi. Et qui? C'est moi. OK, c'est vous. Alors, j'ai compris, mais je parlais. Je parlais à mon appareil photo parce qu'ils m'ont dit qu'il y avait le branchement Fire for you. Et avec Fire for You, je peux parler à tout le monde sur la planète, moi, en disant juste Fire for You 78, puis là, la 78e personne m'arrive. Elle peut parler toutes les langues, là, en fait, une langue que je ne sais pas, donc qui m'arrive aux oreilles. Et je dois discuter avec elle, sans mime, parce que c'est vraiment au téléphone. Et puis, ça sonne pas, tu dis des chiffres de même, là, c'est comme le bingo. Mais sans les B, les I, les N, les G, puis les O, bingo. Puis moi, j'ai appelé trois chiffres dans mon depuis que j'ai cet appareil-là. Mais ça a sonné bizarre, puis ça a répondu étrangement. La première fois, ça fait « Ah ouh! » Là, voyons donc, j'ai dit « Je parle pas le loup. Parce que si tu vas par là, tu vas te perdre. Puis si tu te perds, les loups vont rentrer dans. » Alors, je répète. En frappant avec acharnement sur le mensonge, la trahison saignera un jour de la vérité. Pardonnez-moi, Monsieur Gagné. Oui. Je suis professeur d'art dramatique au concert de GRRC, Maritrin, Carampiri, Sacré, arrondissement 17. Arrondissement 17. 17e. 17e, oui. Votre prononciation est à chercher le prochain. Oui. Et votre intonation cherche son voisin. OK, alors? Alors, personne ne se trouve et c'est une ambiguïté faramineuse et les gens vous perdent. Moi, j'ai perdu 55 cents, puis je ne l'ai pas trouvé. Puis là, ils m'ont dit qu'il n'y a plus de cents noirs. Le sou noir n'existe plus. Donc, il faut que je trouve 2,25 cents puis 1,5 cents. Oui, mais si vous voulez répéter autrement avec mes signes, bien sûr, mes signes vocaux. Vocaux. Il y a la grande Cara Vocale. Non, c'est Cara Voco. Cara Voco qui nous chantera Tilila, Tilila, Tililo. Mais avant tout, c'est le texte. D'accord, merci. En frappant avec acharnement sur le mensonge, la trahison saignera un jour de la vérité. Bravo. Bravo. C'est excellent. Vous êtes le deuxième Robert De Niro de la planète. Vous ferez des grands succès. Vous aurez de l'argent à profusion. Bravo. Bravo. Est-ce qu'on peut s'arrêter? On va s'arrêter là. Pouvez-vous arrêter d'applaudir? Je peux pas. Pourquoi? C'est déjà enregistré pendant 55 minutes. Mais voyons donc, arrête-moi ça, coupez-moi ça. Okay. Autre, la différence de l'autre, l'autre côté des conventions, l'autre façon de vivre autrement sur une autre longueur d'onde à l'ombre de la marginalité. N'écris plus rien et tu comprendras tout. Privé, défense. Privé, défense de se concentrer, privé. Défense de se contenter du préfabriqué. L'originalité s'envole au grand jour de la liberté. Liberté, liberté, liberté, liberté. Il n'y a plus de son. Liberté. On reprend la mort où elle se trouve, couchée sur la vie, sans aucun signe. Aussitôt dans l'existence, aussitôt extirpée de l'aventure. Partons à l'aventure, partons dès maintenant. Partons à l'aventure, partons sans perdre de temps. Allons découvrir de nouveaux pays, de nouveaux amis, de nouvelles chéries. Oui, partons, partons dès maintenant, partons dès maintenant. Partons à l'aventure, partons dès maintenant. Partons à l'aventure, partons sans perdre de temps. Le temps qui nous reste à aimer. Et nous voilà déjà perdus dans le chemin interrompu de la vie. Voyons donc. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre moi-même. Avec votre moi-même. C'est moi-même, votre moi-même. Ben, avez-vous reconnu? C'est moi le moi-même. Le moi-même. Le moi-même du moi-même. Ah, Mado, ça c'est toi-même, c'est moi-même. Quand ça sonne, là, ah ouais, le téléphone. Attendez, on va le faire, là. Monsieur Renal Gagné, s'il vous plaît. OK, on va faire comme si on m'appelait. Alors, ça nous arrive, hein? Quand le téléphone... Moi, ça m'énerve, le téléphone, parce que... Lorsque j'entends cette sonnerie, pour moi, c'est une mauvaise nouvelle. Quelqu'un est mort, quelqu'un est à l'hôpital, quelqu'un est... Quoique, depuis quelque temps, je visite les hôpitaux. À ma manière... Non, non, je rentre dedans. En scooter. Je monte au 8e étage de l'hôpital Saint-François d'Assise, en scooter. J'arrive dans l'allée, je m'annonce, je dis, je suis Rénald Gagné, je vais rencontrer Madame, bang, bang, bang, et on m'ouvre la porte, et j'entre. On va revenir au téléphone. Le téléphone sonne, OK? Dring, dring, dring. Monsieur Renal Gagné, s'il vous plaît. Moi-même? Oui, allô? C'est moi-même? Monsieur? Avez-vous quelque chose à me vendre? Êtes-vous une religion? Êtes-vous un don de sac? Avez-vous quelque chose à m'offrir? Une maladie? Quelque chose? Hey, moi, le garde. Écoutez, je vais vous raconter. Je suis allé il y a quelque temps à Paris. Mais j'ai attrapé. J'ai attrapé de l'amour de nos artistes qui sont là pour nous procréer. L'envie de créer. Pour tous les imbéciles qui disent « Ah, moi, j'ai pas d'imagination. Hein. Je vous écoute, vous êtes extraordinaire. Hein. Vous partez de rien puis vous faites un tout. » Ben, je suis rien, moi, là. Le tout, c'est rien. Le jour où tu vas comprendre ça, tu vas savoir déjà où tu t'en vas dans la vie. Le tout est un rien. Le rien est un tout. Le point, à l'intérieur du point, il y a tout. Pas besoin de mots, un point suffit. Mais là, tu peux abandonner ton imaginaire sur ce point-là. Te faire une histoire abracalabrante. T'imaginer monter le point. Recevoir un point. Être devant ce point. Et te dire... Monsieur Renald Gagné, s'il vous plaît. Oui. C'est moi-même. Que puis-je faire pour votre voix? Monsieur Renald Gagné, s'il vous plaît. Oui, monsieur, oui, c'est moi. Renald de Gagné, oui. Monsieur Renald Gagné, s'il vous plaît. Oui. Oh, oui. Il est 3h15 du matin, avez-vous autre chose à dire, là? Monsieur Renald Gagné, s'il vous plaît. Écoute bien, là. Moi, j'ai l'afficheur. Je suis contrôlé par la police. Le FBI est sur mon cas. La société protectrice des maminaux, il paraît que je suis un grossier personnage, madame. Vous êtes une madame ou vous êtes un monsieur? Monsieur Renald Gagné, s'il vous plaît. On ne sait pas. Vous êtes un bicéphale. Mais là, monsieur, madame, mademoiselle, monsieur, si vous le dites une autre fois, je crois que je vais me frapper la tête sur l'acoustique. Et vous savez que l'acoustique est très fragile pour fêler le tympan. Fêler le tympan. Et dans les urgences, la nuit, là, combien de personnes sont là avec le tympan fêlé en disant « Hey, j'ai appelé ma ligne érotique. J'ai donné la carte de crédit, ils m'ont dit c'est refusé. Je dis, j'ai cassé c'est impossible ce soir. C'est de l'arnaque, ces affaires téléphoniques, là. Je veux l'appeler, la fille à la télévision qui me dit, appelle-moi, chérie. Je pense que c'est ma prochaine femme, moi, là. Je l'aime, je vais aller loin avec elle dans la vie. Sinon, quand je sors à l'extérieur, là, on me regarde pas ou on rise de moi. On rise de moi? Un riz? On le colle, non? Mettez de l'huile, ça collera pas. Et on colle le regard à uris, mon visage. Et on se moque. Crée-moi pas, on se moquera plus un jour. À quoi on fait cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Et toi, là, ta connaissance. Est-ce que tu viens de dire là, la fin, là? Hein? Pas Virginia Woolf, là, mais la réplique du monsieur, là. Attention, ça me fait penser à Taxi Driver. Robert De Niro, Martin Scorsese, à la toute fin. Non, c'est Scarface, ça. Bien sûr, quand Scorsese l'a revisité, parce que ça, c'est un remake. Attention, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. Comme le mentionnait Jim Morrison, Errance Rinaldienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Monsieur Renald Gagné, s'il vous plaît. Oui, allô? Oui. Oui. Oui, c'est moi. OK. Oui. Ben, je... Ouais, mais j'ai essayé de le faire la semaine dernière, mais j'ai pas... OK. Oui, mais j'étais avec Laurent Boudnick. Ben voyons. Bon, mais ça, là, ce soir, c'est la suite. C'était extraordinaire, hein? Hey, c'était ma première émission de l'été. Pas de l'été, mais de l'automne, déjà là. Pour moi, l'automne, c'est l'été. Je brille par mes artistes que j'ai rencontrés en 2014. C'est formidable, extraordinaire. Je vous embrasse. Pardon? OK, bien écoutez, vous pouvez m'écrire hein, à Rénal Québec, RAYNALDQUEBEC, @commercialhotmail.com. Je réponds à tous mes courriers. J'en reçois combien par année, madame? Combien? Hey, c'est la répartitrice, elle. C'est par cette dame que les messages m'arrivent ou ne m'arrivent pas. Parce qu'elle sait que je suis un grand sensible. Parce que je vois des... Vous êtes un insignifiant. Ah, ben, on voit pas ça. Quand c'est des... personne qui m'envoie des injures en disant vous êtes. Ah mon Dieu Seigneur, elle m'envoie plus ça. Puis quand c'est dit, ah bravo, vous êtes, ah ben là, ouais, dans la copie, recopie, décopie, décopie. Ah oui, copie, ah oui. Aujourd'hui, le vendredi 12, non, 18, 7, 8, 9, 19, 24, 32, 53, bingo! Est-ce qu'on peut parler entre nous maintenant? Pour nous et entre nous, je vais vérifier quelque chose. Calendar affiché, excusez-moi, à 19. Aujourd'hui, le vendredi 19 septembre 2014, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'homme de cinéma, Laurent Boutnick. Laurent Boutnick débute sa carrière artistique comme illustrateur de bande dessinée, tout en rédigeant en parallèle petits essais, pièces de théâtre et poèmes à vocation politique. Sa participation à des ateliers théâtraux lui donne de vagues notions de la direction d'acteur, qui s'avère être son seul adage, son seul bagage, pardonnez-moi, lorsqu'il se lance dans le cinéma quelques années plus tard. Il tourne alors quelques courts-métrages et nous arrive avec un film extraordinaire en 1996, Select Hotel, dans lequel il filme une prostituée interprétée par Julie Goyet. Deux ans plus tard, il s'aventure dans le monde carcéral en signant Zonzon, qui place en vedette un humoriste que l'on connaît et reconnaît facilement, Jamel Debbouze. Jamel Debbouze! Jamel Debbouze, faut que je te jose! Pouvant désormais compter de grands noms au générique de ses films, il change ensuite totalement d'univers en 99 avec Madeleine, dans lequel une célibataire est à la recherche de l'âme sœur. Puis il réalise 24 heures de la vie d'une femme inspirée du roman de Stefan Zweig, avec Agnès Jaoui dans le rôle titre très électrique. Il change à nouveau de registre en 2007 en réalisant un film avec Daniel Auteuil, Thierry Lhermitte et Valérie Lemercier dans L'Invité. Errance rénaldienne, oh oui, puis en 2011, il nous présente son film Q. En 2014, Errance rénaldienne était là à Paris pour rencontrer cette sommité, ce créateur, à mon avis, et à l'avis de plusieurs, anarchiste, pamphlétaire. En fait, c'est notre... En France, il ressemble étrangement à mon ami québécois qui est décédé il y a quelques années et qui s'appelle Falardeau. Donc, c'est similaire. Vous allez en reconnaître le ton et surtout la vivacité, la fougue et l'effervescence. This one's called Doomed. I'm doomed. I'm doomed. I'm doomed. I'm doomed. I'm doomed to lie in my sleeping bed with visions of sugar plums in my head. I'm doomed to lie in my waking bed. I'm doomed to lie and cross my fingers. Doomed. I'm doomed. I'm doomed. I'm doomed. I'm doomed to wait on the tipping sauce. I'm doomed to the ball of the peace I'm lost. In my heart, in my bones, and up around the mountains, I live. I'm doomed. I'm doomed. I'm doomed. I'm doomed. I'm doomed to lie in my hospital bed with visions of sugar plums in my head. I'm a doomed to sleep in my waking bed. I'm doomed to lie, cross my fingers, all the sour scent that lingers. Doomed. I'm doomed. I'm doomed. I'm doomed. I'm doomed to aim at the creeping cross, and to beat to the cross will be our loss. And I will not turn around, a sensation, with a rhyme, with a rhyme, a sensation. doomed. I'm doomed to wait in my sleeping bed. I'm doomed to sugar plums in my head. As I wait to the wall and I weep, weep, weep, weep, doom, doom, doom, weep, weep, weep, weep, doom, doom, doom, doom, doom, doom. I'm doomed. Même techniquement, là aujourd'hui, le public ne se rend pas compte qu'il est manipulé. C'est-à-dire que d'abord, les films racontent pratiquement tout le temps la même chose. Et techniquement, par exemple, c'est comme le MP. Le MP chez les jeunes, chez tout le monde, c'est soi-disant une avancée technique. Non, le MP, c'est une dévalorisation du son. Et le cinéma, voilà, exactement. Et au cinéma, c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que la donne est Hollywood. Hollywood fait de manière sonore, je te donne un exemple sonore, hein. C'est que en gros on met la musique, les dialogues et rien d'autre. Moi, ça m'intéresse entre le dialogue et la musique, qui est des respirations, qui est une atmosphère. Moi, je mets le doigt là-dedans. Ouais. Et donc, des fois, ça pue. Des fois, ça sent bon. Des fois, ça se pourlécher les babines. Des fois, des fois ça fait peur. Ouais, des fois, on se fait mordre, etc. Mais moi je vais dans l'antre des choses. Quoi. Dans le côté un peu plus sombre. Voilà. Parce que jamais. Ouais, mais en même temps, regarde, tu vois que. Sincèrement, c'est un joli film. Enfin, vraiment, vraiment. Hein, je pensais que c'était juste un joli film sur l'amour, sur le fait de jeunes qui n'arrivaient pas à trouver leur place socialement et qui n'osaient pas donc s'offrir des sentiments vu que socialement ils ne trouvaient pas leur place. Mais je veux juste te parler. Et si tu veux, vu tout ce qui s'est passé autour de cul. Soit c'est un chef-d'œuvre absolu, et moi je dis bien c'est un chef-d'œuvre absolu, mais qui d'ici 10 ans, 20 ans, tout le monde dira que c'est. Dans les écoles de cinéma. Bah, voilà, c'est un chef-d'œuvre. Soit. C'est la pornographie. Bah, c'est qu'il touche quelque chose que je n'aurais jamais dû toucher. Okay. Alors que quand on voit le film, juste on le voit de manière. Assez objective, ouais. C'est un joli film. Bien sûr. Oui, ce sont les jeunes. Alors, c'est un peu onirique parce que j'ai choisi comme des comédiens relativement bons, mais ça faisait chier de prendre des comédiens. Enfin, moche. Mais non, mais parce que je racontais quelque chose de bon. Donc, j'avais envie d'avoir des bons personnages. C'est là où c'est dû. C'est un film de Laurent Bounic. Tu vois, c'est comme dans Zonzon. Zonzon, la prison n'existe pas. C'est-à-dire, aucune prison. C'est-à-dire, j'ai utilisé, par exemple, une porte qui coulisse. En France, les portes s'ouvrent, mais ne coulissent pas. Seulement au niveau du son et au niveau de l'image, pour moi, le spectateur se prenait ça dans la gueule, donc ça couvait. Donc, tous mes films, c'est du Bounic. Et vraiment, vraiment, dans le cul, je me suis dit, là, j'ai touché quelque chose qui, pour avoir pris toutes ces insultes, tout ce déversement de saloperie et de frustration, c'est que j'ai touché quelque chose de vrai, quoi. Mais on ne doit pas toucher. Je veux revenir à certaines scènes de cul, quand il y a des fellations, est-ce que les actrices se sont comme... Ou ils ont dit, oui, pourquoi, je vais le faire, parce que je sais que... Pour te dire, je ne dirais pas qui a passé le casting, mais toutes les personnes qui ont passé le casting ont fait des scènes de fellation. Okay. Dans le casting. C'était pas. Il n'y avait pas de comédien porno, il n'y avait pas de. Est-ce que les acteurs qui ont dit moi je joue pas là-dedans parce que je Non, il y a eu un acteur. Qui a dit non, je ne veux pas me faire sucer par une fille. Voilà. Okay. Et sinon, toutes les filles étaient prêtes à faire ça. Parce qu'il y a un propos. Quand il n'y a aucun malaise, quand moi j'explique alors ce toi, point de vue. Tu vendais bien ton idée, ta salaire. Non, je ne la vendais pas. Okay. Ah, non. La première chose que je disais, c'est je ne veux convaincre personne. Okay. Non, je dis moi ce que je pense. Voilà, okay. Je suis anarchiste. Je suis athée, je ne crois pas en Dieu. Donc lorsque nous allons mourir, nous deviendrons poussière. Voilà, il n'y aura rien. Donc, et je considère qu'il y a, quand même un énorme problème dans le cinéma, c'est que c'est le seul art où la sexualité n'est pas montrée de manière... normal. Ouais, voilà. Et surtout, en plus, là où diffère mon film de tous les autres films montrant du sexe à l'écran, c'est qu'il y a des enjeux. C'est-à-dire que la sexualité est toujours montrée comme une finalité. Si on en arrive à la finalité, bon, bah, il suce, il baisse. Et voilà. Alors qu'on sait très bien. Tout le monde sait, enfin en tout cas ceux qui ont baisé, savent très très bien que quand on baise, quand on suce, il se passe d'autres choses que le simple fait physique. C'est selon, tu vois, moi je me rappelle un copain qui se faisait sucer par une nana, et tout d'un coup, la nana était bourrée. Et puis ça lui disait, et elle l'appelle d'un autre nom, Robert, hein. Ça, donc lui il fait ouais, et d'un coup la nana elle lui serre la queue et il lui explose la queue parce que c'est son mec qui l'avait largué. Et donc elle lui a coupé la queue en deux. Quoi. Et donc dans la sexualité il se passe plein de choses. C'est... Et puis des fois ça se passe bien, c'est deux corps qui se trouvent, des fois ça se passe mal. Ça se passe bien parce que... Oui, mais la plupart du temps, c'est deux corps qui se rencontrent, donc c'est une communication, c'est un langage. Voilà. Et voilà, et ben dans mon film, ce langage-là, c'est dans les scènes de cul, il se passe quelque chose d'autre que le truc de cul. Alors que, ben, y a qu'à vérifier, hein. Vous regardez toutes les scènes, le Bertolucci, le machin, le truc, ça, ben, quand l'autre, Marouchka Detsmer, elle suce le petit jeune, elle ne fait que sucer le petit jeune. Elle fait que ça. En plus, il a une petite queue, l'autre, on dirait qu'il est en train de manger un spaghetti, enfin bref. Mais, et Gérard ne fait que ça. Moi, Gérard, la scène, par exemple, une des scènes où j'ai mon personnage qui suce un autre personnage, ça, c'est dans la voiture, tu parles ? Ouais, c'est une scène mythique. Et je peux dire que le nombre de nanas qui sont venus me voir en me disant « mais c'est tellement vrai, quoi. » Écoute, je vais te raconter un truc qui est arrivé à un événement au Québec, une chasse aux sorcières. On a arrêté des gens parce qu'ils faisaient affaire avec des prostituées mineures. Okay? Et durant que ces gens-là, des gens de la radio, des gens de la communication, ouais, se sont fait arrêter, ils sont passés en cours, donc ils ont relaté ce qui est arrivé. Et plusieurs personnes dans le journal ont appris qu'on pouvait se faire pisser dessus. Ben oui, mais c'est connu. Oui, c'est connu. Ben, pas par monsieur et madame tout le monde. Ils achètent leur journal X, OK, le journal du peuple, puis ouais, ils apprennent qu'on peut se faire pisser dessus. Ah ben même dans le SM, t'en as qui bouffent la daube. Oui. Non, mais moi je te dis qu'aussi con que ça, hein, pour les gens qui ont une sexualité un peu plus explicite, un peu plus ouverte, on sait que ça se fait. Oui. Mais là, quand monsieur tout le monde parle à l'épicerie, avez-vous lu monsieur X, son plaisir c'est de se faire pisser. Ah oui, mais là. Mais c'est incroyable, hein? Oui. Alors donc, le cinéma, au même titre que ce qui est arrivé chez nous, c'est que ça doit désacraliser aussi les actes sexuels. Mais il n'y a rien de sacré dans l'acte sexuel. Oh ben, on le cache au cinéma, dans la littérature. Oui, mais il n'y a rien de sacré. Non, mais on l'a sacralisé. On l'a sacralisé avec le judéo-christianisme. Tout ben est péché. Ben oui. Prendre une bière est péché. Prendre un coca, non, toi, c'est un peu plus angélique. Mais prendre, prendre du plaisir, c'est mauvais. C'est mauvais. On doit pas avoir de plaisir. On doit souffrir. Parce qu'en haut, là... Oui. Hein, c'est incroyable. Hein, comment on endoctrine un peuple. Et c'est à travers ton cinéma qu'on... À travers des réalisateurs comme toi, on se dit, écoute, il faut s'ouvrir, il faut se déchaîner, il faut enlever nos carcans, nos peurs, nos craintes. Ouais. C'est à travers la littérature, le cinéma, la musique qu'on arrive à ça. Toi, quand tu t'es fait slammer et casser une dent, tu te dis, hey, là, je suis dans la vie. C'est ça, la vie. Ben, oui. Mais c'est pas juste ça, mais c'est ça. Tu te fais frapper, oh, OK, bon, bang, c'est arrivé. C'est sûr que chez toi, en zappant, ça ne serait jamais arrivé, mais mon Dieu, que ta vie aurait été moins épicée. C'est ça, la vie, on doit la vivre à 100%. Oui. Je suis d'accord. Ah oui, je sais. Ben, oui, ben, j'appuie ton idée, donc c'est sûr que je ne dirai pas, ben là, écoute, pauvre con, là, je t'explique. Mais le cinéma que tu fais, c'est un cinéma en même temps réactionnaire, puisque ça sort du consensus sociétal. Parce que le consensus sociétal, c'est pas ça, c'est pas voir une fille sur un gars, c'est pas ça. C'est de montrer, on éloigne la caméra, il y a des violons et on s'en va. Mm-hmm. Et là, l'imaginaire va commencer. Et là, quand tu le vois, c'est ça la vie aussi. Mm-hmm. Non, puis c'est intéressant de ne pas faire ce que les autres font. Enfin, moi, c'est ce que j'ai... Mais non, mais c'est ça le problème aussi du cinéma. C'est que on rentre dans une industrie. Pour moi, c'est un art. Donc déjà, il y a un problème. Chaque film est un prototype. Alors c'est vrai qu'à Hollywood, ils ont tendance à recopier les prototypes pour en faire un business, mais moi je crois pas en ce cinéma. Il y a John Savetz, tu vois qui c'est, voilà. Ben oui, 16 mm, tu vois deux interviews de lui, tu vois lorsqu'il fait Shadow, c'est son premier film, et tu vois quand il fait Face, et tu vois sa deuxième interview. Bref, à l'époque où j'avais vu ça... Dans Cinéma. Ouais, mais ça remonte à il y a vachement d'années, quoi. Ah oui, 80. Ouais, voilà. J'étais marié à une jeune femme et tout. Okay. Et à l'époque, ça m'avait frappé parce qu'elle m'avait dit, putain... Savait, il dit exactement comme toi. Je dis, ouais, enfin, c'est moi qui dis exactement comme lui. Quoi. Et puis après, elle me dit, ouais, mais bon, la deuxième partie de l'interview, c'est pas toi. Et j'y ai vachement repensé après coup, et je me dis qu'aujourd'hui, je pense que je dois ressembler au Cassavet 2. Trot up on creation. No set of vampire. A younger generation. I know no humble when it's daylight. Old vampires only like to see blood running. Make sure you know it's fire burning. Fire burn, fire burn. A vampire. Sean, your fight against everything good for the younger generation. Your bloody meditation. Uno set of vampires. vampires. Doing no wickedness at midnight. And fire burn! Vampire. Cette semaine, et ça jusqu'à l'épuisement du concept, nous, moi, je comprends. Ben, je suis blind, moi, là, man. Madame Thibaudot, Madame Tremblay, Gaétan Boyer, je vous tiens par la barbuchette. Coupez-moi ça, là. C'est du poil extérieur. C'est tout à fait non esthétique. dans le sens que c'est pas visuellement intéressant. Là. Le regard s'effrite, pour ne pas dire se chauffe, et les conjonctivites naissent ainsi. Souvent. Très souvent. Cette semaine, et ça jusqu'à épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons à bras de mots celui-ci pour observer à l'intérieur la moindre fissure, bouchure, angle, afin de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde vue le mot ou le verbe. Monsieur Rénal Gagné? Oui. Gagné? Oui, c'est moi. Rénal Gagné? Oui, c'est moi. Rénal Gagné, oui. Arrêtez de vous nommer. C'est vous qui me nommez. Pouvez-vous répéter? Le texte, oui, avec plaisir. Vous avez pas compris? Mais la radio était fermée, puis mon mari était couché sur la radio. Sur la radio. Et comme ça? Le son était très sourd, puis lui-même n'est pas très, très cassoulet. OK. Il n'est pas très bien cassoulet. Oui, cassoulet, c'est en fait, c'est une expression de la Loire. De la Loire. Oui, il faut la Loire pour la comprendre. Oh, il faut la Loire pour la comprendre, je la comprends! J'ai-tu de la Loire? Non, mais tu viens de la voir, oh mon Dieu. Je viens pas de la côte. De la côte de la Loire. De la côte d'Ivoire. Bon, cette semaine, on va arrêter ça, là. Bouh, je suis allé l'éléphant. Cette semaine, et ça, c'est une chanson à répondre pour les gens qui aimeraient bien s'en souvenir. Cette semaine, et ce, jusqu'à épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe. Je sais pas. Je vais prendre quelque chose au hasard. Donc, je vais essayer d'ajuster mes lunettes. C'est tellement petit. Pouvez-vous trouver quelque chose de plus grand? Mais je pense que si je prends les Mitsuko, ça va dans l'anglais. Parlez entre vous, là. OK. Je vais prendre le mot roi. R-O-I, roi. Dans ma tête, dans mes cheveux, il y avait tout. C'est pas dans les cheveux, voyons donc, vous, c'est dans la bouche. Le roi, être un roi. Tout le monde rêve, surtout les filles. Elles, c'est pas roi, c'est princesse. Je vais être une princesse. Ah non, dans ma vie, là, j'ai torché mes enfants, j'ai torché mon mari, j'ai torché ma vie. Je vais être une princesse. Je vais me marier. C'est le seul moment où je me sens princière. Princière en brassière. J'ai pas peur de le dire, j'ai pas peur de le montrer. J'ai une belle brassière. Je l'ai achetée chez Squeeze. En tout cas, il n'y en avait plus de modèle comme je la voulais. Je voulais pas de modèle comme ça, mais j'en voulais un autre. Celle underground. La noire avec des fissures, des bouchures. Pour que tout le monde puisse têter. Parce que les hommes sont têtus en général. Il me dit, ah, t'es belle, t'es fine, t'es gentille. Ben oui. T'as-tu de l'argent? Donne-moi ça de l'argent. Puis là encore, là, on place les princesses dans cette vision, hein. D'or, de bling-bling. Je sors de bling-bling. 40 000 de char, la vie. Comment? De char, la vie. De char, la vie. De char, la vie. Les chars ravis. Moi, je suis ravi de voir des chars d'assaut venir à mon mariage parce que j'ai dit que c'était... que peut-être, tout cela pourrait être explosif. Hey, ma femme, si tout ça se désagrafe, là, c'est des bombes qui vont partir à droite puis à gauche. Là, parce qu'elle-même, c'est une méchante bombe. Regarde-moi ça, c'est un canon. Là. Hey, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Hey, pardon. Ah oui, moi, je l'ai pris. C'est pas une Italienne. C'est une Québécoise, mais qui adore le spaghetti. Comme moi. J'ai trouvé dans un magasin de spaghetti, dans la rangée du spaghetti. Et moi, j'étais comme ça, innocent. Hein? Je cherchais mon spaghetti maison. En fait, spaghetti industriel. Là, puis j'étais à quatre pattes. Et je me dis, voyons donc, c'est juste du spaghettini. Je dis, voyons donc, où est le spaghetti? Je monte d'un deuxième étage, troisième étage. Et là, je vois la jeune femme qui est là, à me regarder. Elle dit, jeune fou. Pas vraiment, là. Je cherche le spaghetti. Elle me dit, le spaghetti. Oui, parce qu'elle vient de la haute. Moi, je viens de la basse. Du spaghetti. Ben oui, spaghetti. Avez-vous du spaghetti? Elle dit, oui, mais là, le spaghetti, il n'y en a plus. J'ai dit, pourquoi? Ben, il est en spécial. Tout le monde l'a acheté. Oui, mais avez-vous des petits coupons? Ben, moi, je suis pas la caissière. Moi, là, je suis une consommatrice comme vous. Ah, moi, je suis un consommateur. Puis plus je consomme, plus je me sens con. Ah, on ment à chaque fois. Hein. La meilleure sauce en ville. Hein, la meilleure viande en ville. La meilleure boisson gazeuse en ville. Oh, quand je bois ça, il me semble que c'est la même vieille boisson gazeuse que je bois depuis 35 ans, puis que je rote depuis 35 ans, puis que je vois depuis 35 ans, on me passe des citrons. Quoique le citron, ça me donne mal à l'estomac. Mais dans le spaghetti, c'est merveilleux. Avec une petite sauce blanche, mais oui, crémeuse. Normalement, la sauce, c'est crémeux. Là. Ma femme sait très bien l'approprier avec de l'amour à profusion. Puis elle voulait vivre son côté princesse. Elle dit, je veux l'être. Moi, je dis, aucun problème. On s'est rencontrés dans un rang spaghetti. On pourrait peut-être faire un spaghettini. Hein? Tout le monde se réunir devant un plat gigantesque, comme une piscine remplie de spaghetti. Tu t'es malade. Elle me dit, mais c'est pour ça que tu m'aimes, ma petite chérie. Je suis exubérant. Hein? Je suis en-delà des normes. En-delà des normes, c'est moi. Rénal Gagné, en-delà des normes. Elle dit, ouais, mais là, il y a en-delà, puis en-delà, puis moi, on va rire de moi. Hey. Je dis, voyons donc, avec moi, tout le monde rit de et avec moi. Donc, viens dans mon monde. Qui? Viens dans mon monde. Elle dit, oh, mais moi, ton monde ne m'intéresse pas trop. Puis, écoute bien, toi, si tu veux devenir une princesse, il y a juste un moyen. Ben, il y en a peut-être deux, là, mais le moyen que je t'offre, là, c'est de te baigner dans du spaghetti avec tous les invités. Puis, écoute, comme un repas, c'est facile, tout est dans la piscine. C'est du spaghetti! Compliqué la vie! Your steps are like metal chains, and so you must begin to dance my très fait. Oui, il était très. Il a cheminé sans doute à travers son cinéma, donc toi, tu es peut-être en train de faire ça. À travers ton non, cinéma. Mais il était. Enfin, en gros, au départ, si tu veux, dans sa première interview, il était d'une. Comment dire? Il était extrêmement enthousiaste, d'ailleurs très marrant. Et à la deuxième interview, il n'était pas éteint, hein. Il avait toujours la rage, mais voilà. Il était très. Enfin, on se sentait blessé. L'industrie, l'écart, lui voilà. Veut. Mais il en est mort. Oui, mais il n'a jamais rentré dans le système hollywoodien. Bah, oui. Il a toujours été indépendant. Un réalisateur indépendant, Cassavetes, son fils aussi, Nick Cassavetes. So Lovely, un film extraordinaire avec John Travolta. Oui. Underground. Mais attends, mais c'est. D'ailleurs, c'est pas lui qui l'avait écrit. Oui, c'est son père qui l'a écrit, oui, voilà, c'est lui qui l'a réalisé. C'est extraordinaire. Et c'est sa femme qui joue dans ce film-là. C'est sa femme qui joue dans ce film-là, la blonde. Attends, la femme du. De Nick Cassavetes. Ah oui, Denis, oui, oui, parce que oui, c'est pas Gina Roland. Non, c'est exactement ça. Ouais. Mais ça reste un cinéma tout à fait particulier comme le tien. Ouais. Toi, tu veux sortir. Tu fais vraiment pas partie de l'industrie française. J'ai fait un film dans l'industrie. Ben, MK2, mais... c'est fait par. Select Hotel, c'est MK2. Non, c'est la distribution. C'est moi qui l'ai produit. Select Hotel, c'est moi. Zonzon, j'étais. Okay. C'est-tu que j'ai la copie zéro de ton film? Bah, tiens. Oui, parce que je vais te raconter, j'ai un site sur le 7e art. Ouais. Et j'ai communiqué avec MK2, Ciné Média Film, ça, c'est mon entreprise de. Ouais. Je suis analyste, et donc j'ai demandé si je pouvais pas avoir un exemplaire de Select Hotel. Et j'ai parlé au représentant de la production, en tout cas. Il m'a dit ouais, il n'y a pas de problème. Et j'ai la version SECAM, donc la copie zéro avec les chiffres, les 30. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est assez, très particulier. Très, très particulier. Ouais, c'est génial ça. Oui. Et donc, c'est ça. J'ai cheminé à travers ton univers avec Select Hotel parce que j'ai commencé par ce film-là. Et je t'ai suivi et j'ai vu que même si toi tu faisais appel à des professionnels à un moment donné, à des grosses pointures, tu restais toi-même. Ben oui. Tu t'es pas vendu. Oh, c'est. Enfin. Non. C'est normal. J'ai une petite question pour voir vers où on s'en ira. Si tu étais un liquide. Un quoi? Un liquide. Un liquide. Ouais. Ah, si j'étais un liquide. Oui. Ah d'accord, si j'étais un liquide. Oui. Liquide. Une éruption volcanique, enfin une éruption solaire. Ok, et ça donne quoi? Un genre de liquide de rouge, là? Il faut pas toucher, hein, je crois. Ouais, voilà. Si tu étais une ville. Une ville? Merde. Métropolis. Ah oui, Fritz Lang? Ouais. Ah oui. C'est beau, hein, c'est beau. Ah bah oui, et puis elle est. C'est comme M. Oui. Maudit, ah oui, M. Maudit. Non, M. Maudit. Oui. Incroyable. Non, puis elle est tellement belle. Oui. Enfin, quand mais la version originale, pas la version qui a été redigitalisée. Non. Oui. Ok. Alors nous, on est authentique au cinéma classique. Si tu étais une langue. Le martien. Ah, toi aussi? Hey, j'ai rencontré hier quelqu'un qui m'a dit ça, le martien. Si tu étais une époque. Dans Léo Ferrin, c'est lent. D'accord. Dans une chanson de Léo Ferrin, il dit c'est l'an 10 000. Je crois que c'est l'an 10 000. Ah, c'est peut-être la chanson M. Qui dure 12 minutes, là. Ouais. Avec l'orchestre symphonique. Et voilà, c'est ça. Et ça, l'an 10 000, ça me plaît, de Léo Ferrin. L'an 10 000 de Léo Ferrin. Ok, c'est bon. Oh, ben, on va la faire en chanson. Très bien. Si tu étais. Il va falloir que je répète parce que j'ai une complète dans laquelle, mais je crois que c'est. Je crois que c'est l'an 10 000, je crois. Ou Love. En tout cas, il faudrait que. Si tu étais une époque. Ah, tu l'as dit. Si tu étais un mot. Un mot? Ouais. Ah, j'ai dit. Liberté, allez. Ok. Freedom. Freedom, oui. Si tu étais un aliment. Un aliment. Un aliment? Le piment. C'est fort, bien sûr. Ah, bah oui. Selon ton intensité, c'est fort, très fort. Si tu étais une saison. Le printemps, parce que les choses. Ouais. Instinctivement j'aurais dit l'hiver, mais le printemps. Ouais, mais le printemps, parce que les choses sont en train de bourgeonner. Ok. Et j'aime bien l'idée que ça. Le renouvellement. J'aurais vu, moi, le 22 janvier à Québec. Ah ouais. Ouais, j'aurais vu le 22 janvier à Québec. Ah, mais dehors, en plein milieu de la. Ou même à la baie James. Mais j'y pense. À un moment donné, je. Tourner tu disais. Là-bas, ah non, mais ça j'adorais, parce que je connais un peu Toronto, un peu Montréal. Mais surtout les gens, enfin moi ça m'a plu, puis la France, là je suis un peu fatigué. Quoi. Et tu sais que Spielberg est venu tourner à Québec. Ouais. Une scène. Non, mais moi j'ai pour m'y installer. Non, mais pour m'y installer là-bas. Ah ok, ouais. Pour voir. Avec les enfants, puis. Les enfants qui sont quand même assez grands. Oui, puis le théâtre aussi, il est vachement. Enfin, il se passe vachement de choses là-bas. Ben, c'est du théâtre audacieux chez nous. Ben oui. Et d'ailleurs, il y a les Français qui vont au Canada pour se faire connaître et qui reviennent en France une fois qu'ils ont connu. Oui, au Québec, surtout pas au Canada, mais au Québec, dans les pays francophones. Parce que quand tu viendras au Québec, tu comprendras quelle est la différence entre Québec et Canada. Ah oui, j'ai fait pas mal de coins du Canada. Avec ton film, c'est un hôtel. Et ce qui me surprend, c'est que tu sois pas au courant que Julie Goyette a gagné le premier prix d'interprétation à Québec. On a gagné beaucoup, beaucoup de prix sur Select Hotel. Je me rappelle plus tous. Mais quel film encore. est-ce que tu le revendiques encore aujourd'hui? De quoi? C'est mon bébé. C'est mon bébé. Okay. Ah, c'est pas que je le revendique, c'est mon premier bébé. Enfin, et ça vient malheureusement ça vient vieillir. Non, mais disons que évidemment c'est toujours le film que je fais que je préfère. Oui. Mais une fois que j'ai fini le film que je préfère, je préfère à mon bébé, à mon Select Hotel. Ouais. Et surtout que on sent là-dedans, je vais revenir encore un peu, parce que écoute, moi j'ai des films cultes, à travers ça il y a les mais c'est bête que tu ne m'aies pas demandé, parce que j'avais une affiche chez moi, c'est bête, je te l'aurais filé. Oh. Ah, c'est con. Et tu restes longtemps? Ben, je m'en vais samedi. Samedi prochain? Ouais. Ah bah, on s'arrangera, ben j'irai dans Bah oui, partie. Bah oui, oui, oui. Ah, bah, ouais. Je te filerai l'affiche. Ouais, on ira sur la tombe de Jim Morrison. Je trouve ça tellement galvaudé, c'est de la merde. après le film d'Oliver Stone, ça a été de la grosse merde, aller à côté de Jim Morrison. Ils ont même mis un flic à côté du tombeau, là, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on roule des gens. C'est des conneries, comme bien des choses dans la vie. Et je voulais revenir à Select Hotel parce que Julie Goyette s'est donnée à 200 000 là-dedans. Ah bah, oui. Bah, elle a gagné l'un des plus beaux prix en France, qui est le prix Romy Schneider. Oui. Et grâce à Select Hotel. Et c'est vraiment... elle était tout à fait disponible de jouer, d'aller loin. Ouais, mais c'est, je pense que j'amène la confiance en mes comédiens. Et moi, tu sais, c'est vrai qu'il y a combien. Quand je disais que j'ai pas fait d'école, j'ai eu une seule formation dans ma vie, c'est comédien. Par un Américain et un Français. Okay. Et je te parle de ça il y a 35 ans, tu vois, je m'en rappelle plus. Okay. Mais, mais l'Américain Michael, je m'en rappelle plus, exceptionnel. Un mec qui m'a formé à la comédie, hein, exceptionnel. Et m'a beaucoup donné et appris. Pour que je puisse, moi, à mon tour, porter le flambeau et... Mais diriger les comédiens. Oui.

que j'ai un rapport avec les comédiens. J'ai eu qu'un problème sur mes 25 films là, j'ai eu qu'un seul problème avec un comédien, donc je tairai le nom, qui m'écoutait pas, c'est simple, il m'écoutait pas. Un professionnel aujourd'hui ou Ah oui, non, quelqu'un de très connu, mais qui m'écoutait pas, voilà, et avec qui on s'est pas du tout entendu, mais c'était la seule personne que... Qui est resté pendant tout le film ou si tu... Ah non, je vais pas le virer, oui. Non, mais on s'est bien flûté, même... Ça a été très très très dur et très virulent. Parce que moi je lâchais pas l'affaire et lui il m'écoutait pas. Donc, okay. Ça a donné. C'est, ah bah c'était le clash quoi. Mais t'es-tu quand même content du résultat malgré son entêtement, non? Il donnait pas vraiment ce que tu voulais. Ouais. Okay. Non mais disons que le film je connais même pas parce que il a été monté derrière moi et je ne connais pas le film au final donc. Okay. Donc tu l'as jamais vu? Non, okay. J'ai jamais vu. Tu l'as renié après? Non, je me bouge renié, je m'en fous. Okay. mais tu sais que je trouve que ton film, je sais pas si tu vas te vexer, ça ressemble être. Ben, non, ça ressemble pas, mais c'est l'univers. Parce qu'il y a des univers. Hein, ouais. Celui de Chao Pantin. Ah, c'est bien ça. Le Club Berry. Ah, non, je connais. Ah, excuse-moi, je l'ai pas. Non, j'adore ce film. Mais quel film? Ou c'est mon univers en général? Ou c'est De Select Hotel. Ah oui. Select Hotel, lui, il faut, Chao Pantin. Oui. Hein, c'est. On a fait une soirée. Ah, oui. C'est bon, hein, ça tient. Sauf que, tu sais, comme à Stockholm. Oui, c'est fini, les titres. Les types du jury, ça, ils s'étaient pris la tête jusqu'à 5h du matin pour donner le grand prix soit à moi, soit à Band. Et puis à la fin, Band. Et ils ont donné le prix à Band. Et moi, j'aurais dit, c'est cool. Non, mais c'est cool parce que, tu vois, c'est pour un film fait avec l'équivalent de 20 000 $, les mecs m'ont dit, quoi ? J'ai dit, j'ai fait le film avec moi. Et pourquoi tu l'as pas dit ? C'est parce que comme moi, si l'argent investi devait. Souvent, les gens voient mes films et s'imaginent pas. Parce que là, tu viens de dire Chao Pantin, c'est 20 millions, l'équivalent de 20 millions d'euros. Combien Les Nufos, c'est l'équivalent de 5 millions d'euros. Et moi, c'est l'équivalent, enfin, c'est pas l'équivalent, c'est 20 000 euros. C'est vrai. Ça, c'est au niveau monétaire, mais moi, c'est au niveau de leur. Mais ça, je suis d'accord. Non, mais les trois. Coluche a joué le rôle de sa vie. Julie Goyette a joué le rôle de sa vie. Oui. Et Cyril Collard, ben, en est mort. Oui. Ah non, mais là, ces trois films-là. C'est quand même exceptionnel. Hein. C'est des bons films. Ah, bah, c'est même pas des. Non, c'est. Tiens, il y en a un quatrième que tu pourrais mettre, c'est Neige. Tu connais pas? Non. Hey, en plus, c'est formation au cinéma, mon ami. Neige de. Ça se passe à Barbès. Et c'est dans le milieu de la dope. Et c'est vachement. Ah, ben, le pauvre, je regarde ça. C'est en DVD. Hey, le tien, ça a pris du temps, hein, Select Hotel à devenir en DVD. Puis les bonus, sont quand même. Aux États-Unis, c'est combien ils le vendent, le DVD? Ok. $275. Je l'ai payé 22. J'ai vu sur les sites américains. Okay. Parce que combien là, parce que je gueulais parce qu'on trouvait pas le DVD en France. Et donc je tapotais un peu. Et je trouve $275. Il n'y a même pas une petite scène qui t'a rien là-dedans. Il n'y a pas une scène qui t'a rien. Mais tu sais, Q, par exemple, ça m'a coûté de l'argent, beaucoup d'argent, etc. Ah, c'est pas un film qui a bien fonctionné. À l'étranger. Juste pour te donner un ordre d'idée. Il y a plus de 25 millions de vues juste au trailer YouTube. C'est-à-dire que à YouTube, ça a rapporté l'équivalent de 200 000, voire $500 000. Moi, ça m'a... Rien. Non, mais ça, c'est un des exemples. C'est-à-dire que c'est un trailer. Les millions de vues. C'est-à-dire qu'en gros, Q a rapporté énormément d'argent à énormément de gens. Pas moi. Ni au producteur. Ouais. Ni au producteur, ni au réalisateur. C'est fou. C'est, on vit dans un truc un peu bizarre. Oui. C'est... Si tu étais un membre corporel. Sauf la réponse, monsieur. Le phallus. Le phallus qu'elle le suce. Oui, parce que j'ai des copines, elles seraient vraiment très très déçues que je ne dise pas, que je dise pas le phallus. Donc, si elle est phallus, voilà. Là, c'est dit. Si tu étais un moment de la journée. Ah, le matin, parce que Même, je dirais même quand le jour se lève, parce qu'il y a toute la journée qui se passe. Parce que j'en ai marre de me taper les nuits entières, j'en ai ras-le-bol. Avec ton mal de tête, c'est pas évident non plus de dormir. Non, mais c'est pas ça. J'ai une vie où je dors pas beaucoup. Et mais le début de journée, je trouve que c'est bien. Et moi, ma mère vient du terroir, de Normandie, c'était quelqu'un de la terre, voilà. Et je trouve qu'on a perdu ça. Il y a quelque chose que, c'est pas que je reproche aux citadins, mais tu vois, c'est des choses simples. On perd les racines. Hein. Ouais, c'est de se lever très tôt le matin, d'aller voir les bêtes. Ben, le côté animal, on a perdu notre côté animal, primaire. Moi, quand je regarde les animaux, je les trouve beaucoup plus chanceux que nous, parce que nous, on a perdu ce qu'eux ont encore. Quoique, il y a des animaux qui restent à la maison, les chiens, les chats, qui attrapent des cancers. Donc, on a même malheureusement inculqué à nos animaux nos maladies. C'est fou, c'est complètement dénaturé. Hein, Vercors avait écrit bien avant. Ouais, les animaux dénaturés. J'ai lu ça quand j'étais ado. Si tu étais un autre individu. Oh, je serais Laurent Bunich. Ok, oui. Pour le prestige. à choisir, est-ce que tu fais le même chemin? Écoute, tous les jours, je me pose la question. Tous les jours, ça me dit de dire non. De décrocher. D'arrêter, puis... tu vois, d'aller comme Candide de Voltaire, d'aller cultiver son petit jardin. Et toujours, je ne sais pas pourquoi j'y reviens. Mais j'y reviens. As-tu des fois des visions suicidaires durant le j'en ai ras-le-bol J'ai eu une période, oui, même pas que des visions. Hein. Je suis passé de l'autre côté du balcon. Okay. J'en ai vraiment très, très ras-le-bol. Et à ce moment-là, il y a eu deux, trois fois où... il y a eu vraiment deux fois dans ma vie où je me suis dit, il faut que j'arrête. Et après, c'est du surplus. Ok. Ouais. Actuellement, c'est du bonus. Voilà, c'est ça. C'est dire, tu sais, quand. Moi, je suis que pour mon origine, donc nos futurs, tout ça. Et ton nom vient d'où? Alors, par contre, mon père est de Tunisie, de Tunis. Okay. De Sfax, nous, là. Ok, c'est pas grave. On fait un montage. On va l'avoir fait. Sfax. Non, pas de Tunis. Okay. Sfax. Oui, ok, il y a une différence. Ouais, et voilà, c'était le mélange de la chaleur tunisienne et de la froideur normande. Mais t'es arrivé en France assez tôt? Ah non, mais moi, ma mère est normande. Okay, donc, Non, ils sont... Ah, t'es né, je suis complètement ici. Ah ben oui, je suis né... Puis t'as perdu... As-tu déjà visité l'endroit où ton père... Oui, quand j'étais petit. Mais aujourd'hui, non, ça te plaît pas? Non, c'est pas ça. C'est qu'on s'est perdu de vue avec mon père. Ok, see you. C'est une autre histoire qu'on n'amènera pas ici. Et tes projets, t'en as plein. T'as du théâtre, t'as de l'écriture, t'as le cinéma, t'as ton film que tu termines. Mais ouais. est-ce qu'il est déjà tourné ou il est au montage? Je suis en cours. Okay. Là, j'ai un gros projet sur Marseille. Ok. Voilà, que j'ai présenté. Là, je suis en train de parler à droite à gauche. Et puis, j'ai aussi des projets de séries vachement bien. Enfin... Non, mais quand tu tournes, là, comme là, actuellement, t'es pas en troupe, t'es pas parti pour filmer ou si c'est arrêté et tu vas reprendre plus tard? Comment ça fonctionne? Oui, moi, ce que j'aimerais, c'est monter, justement, tu parles de troupe, j'aimerais monter une troupe de comédiens qui connaissent autant le théâtre que le cinéma. Et travailler avec eux et travailler avec une amie à moi qui elle est dans la formation théâtrale. Est-ce que je la connais? Non. Okay. Et elle qui formerait des jeunes comédiens, ou des plus vieux, mais en tout cas elle formerait des comédiens. Et après, moi je m'occuperai de recherche, puis avec d'autres réals, mais enfin, j'aimerais bien un lieu, tout ça et tout, mais tout ça, ça fait partie d'un peu du rêve et qu'il me faut une base financière pour lancer toujours, ça. Toujours l'argent. Ouais, voilà, c'est ça. Mais, d'où je viens, normalement, j'aurais pas dû faire grand chose de ma vie. Tu fais dans la rue actuellement. Ouais. Ou peut-être très riche. ayant tué 2-3 personnes. Ben oui, c'est ça. Les bourgeois les plus importants. Et voilà, c'est ça. Et peut-être que je serai en Amérique du Sud en train de me. Oui, c'est le temps couler douce. Ouais, voilà, de me la friser tranquille. Avec des cocktails et des gonzesses. Mais en tout cas, ça ne ferait pas l'homme que tu es actuellement. Non, puis franchement, tu vois, rester de pied en place, c'est des choses qui m'intéressent. On sera chaud quand on sera vieux, quand nos enfants viendront l'après-midi clair sous l'olivier. Cette nuit-là, on dormira comme des chiens, avec des rêves étoilés, des souvenirs de petites filles, de petits garçons loin. Quand on sera chaud, quand il sera tard dans la vie, à marmonner nos vieilles colères, on leur dira comme on l'a aimé, cette putain de vie à la gueule de chien. Hé hey môme, dis-le, dis-le, dis-le donc, qu'on est des vieux cons. Mais viens, viens cet hiver, viens voir les vieux indiens. Hé hey môme, promets que tu viens, quand t'auras mal à ta peau. Tu verras que mes vieux polos, ils ont des remèdes contre le chagrin. On boira un coup pour être fou, on fera des cartons sur les cartes vermeilles. Hé hey môme, viens voir les vieux désespérados. Quand on sera chaud, quand on sera vieux, quand nos enfants viendront l'après-midi clair sous l'olivier, on vous regardera marcher devant, la main dans la main, ça nous donnera faim. On dira bien quelques conneries dans le soleil couchant, on entendra bien quelques cloches sonner de la vallée. Hé hey môme, tu verras comme la grenouille du ruisseau est gaie. On ira voir le taureau qui qui fait éclater la colline tellement qu'il a le spleen. Hey môme, faudra venir dans la maison, faudra pas laisser la vie se taire. Viens voir les tout câlins, les pas héros, ceux qui ont peut-être rien compris, mais qu'il aime bien cette vie à la gueule de chien. Là où je te dis, j'y reviens tout le temps, quoi. Tu vois, et donc t'as beau torturer la tête, tu dis, il y a un moment donné, attends, c'est l'être un jeune poète de Rilke. On est poussé, enfin, on sait pas, fondamentalement, on sait pas, quoi. Mais on y va, on est obligé. Comme un taureau. Comme un sacerdoce, moi je dirais. Ah, okay. C'est plus. Oui, tu vois, les religieux, ils ont quelque chose, tu vois, qui les attire. Je pense que l'artiste, c'est pareil. C'est que, la création, c'est une flamme. Hein, c'est non, comme... mais on est dépassé, je dirais, on est rien. Ouais. Moi, j'ai fait un film où il n'y avait pas de générique à la fin. Ok, ouais. Et c'est le. Enfin, je connais pas de film où il n'y a pas de générique. Et moi, j'en ai parlé en étant très clair avec mes comédiens, mais tout le monde a suivi. Parce que je pense que ce qui va rester, c'est pas soi-même, c'est le résultat. Et on s'en fout de celui qui l'a fait, fondamentalement. Mais c'est drôle que tu dises ça, parce que moi, j'ai fait un court-métrage et c'était quelqu'un qui avait volé le générique. Donc, on pouvait pas faire le film parce qu'on avait perdu le générique. C'est fou, hein? C'est fou, il y a le film, mais il n'y a pas de générique. Moi, on a perdu le générique. Et ça, c'est tout à fait. Parce que je trouve que ton cinéma rassemble un peu mes idées. Ouais. Donc, t'es peut-être la version française de ce que je ressens, est-ce que j'aime au cinéma, ce que j'aime voir, est-ce qu'on exploite très, très rarement. Ah bah, faut savoir que quand même la plupart des films que j'ai faits n'ont eu jamais aucune subvention et n'ont pas été voulus par les télévisions. Ah oui, il y a un dernier truc. Ouais. Non, on s'en fout pas, parce que là aujourd'hui, le cinéma, enfin, faut savoir que le cinéma, mis à part à Hollywood ou à l'étranger, le cinéma en France n'existe plus. Mmh. On est bien d'accord, puisque on fait des films pour la télévision. Ouais. Donc ça s'appelle des téléfilms, ça s'appelle plus du cinéma. C'est-à-dire que comme le principal financier du cinéma est la télévision, il demande de manière tout à fait normale à ce que ce soit des films qui passent pour la télé. Et comme, en plus, alors là, moi, je me suis pris de la tête avec le CSA et je les ai traités de nazis, pour tout dire. Ouais. Avec le CSA, ouais. Parce que j'étais représentant des réalisateurs français. Et les types, si tu veux, avec les sigles en France, si tu, grossièrement, on a le droit, par chaîne, alors je me rappelle plus parce que ça fait quelques temps, mais ça fait 15 ans, 20 ans que je me suis pris la tête avec eux. Et bref, ils ont droit à 6 films de moins de 16 ans. Qu'est-ce qu'ils font, les chaînes? Ben, ils achètent. Mais non, ils achètent les films américains. Okay, bah et oui. Donc, ah oui, ils vont pas prendre les films français. Ah oui, oui. Et donc, il y a une autocensure dans l'écriture. Ah ben, soit il y a un peu de cul, soit il y a un peu de violence, soit un peu de... ou je sais pas, ou tu parles de quelque chose qui est un peu au chaud. Ouais. Ah ben, on peut pas le faire. C'est interdit au moins de 16 ans. Donc, on va pas le prendre. Donc, la télé ne va pas le produire. Donc, il y a une autocensure qui va. Ben, t'as qu'à regarder. Maintenant, on arrive à plus de 50, voire 60% de films qui sont que des comédies. Ben c'est-à-dire qu'ils sont au niveau. Aussi. Mais non, mais c'est. Ça, je pense que c'est l'être humain. C'est... Ça va au-delà d'une pensée. Parce que il faut endormir le peuple. C'est. Tu vois, les 27 qui ont. Les monopoles. Le monopole économique. Ou quoi, ouais. Voilà. Ces 27 vont faire tout pour garder leur richesse. Ça, oui, je suis d'accord. Oui, mais ils ne sont pas assez. Ils sont pas assez démoniaques. Ils ne sont pas assez intelligents pour manipuler tout sur Terre. Et ouais. Je pense que c'est le c'est ce qui reste. Non, c'est l'être humain qui s'autocensure lui-même. Okay, ouais. Parce que lui, il est attiré vers, vers moins de problèmes. Moi, je ne vis pas une vie facile. Hein. Mon loyer, mes trucs, moi j'ai 120 000 euros de dette, plus 40 000 euros de dette, plus j'ai des dettes de tous les côtés. Les gens n'aiment pas vivre comme ça. Mais je fais ce que je veux. Mais c'est le prix de la liberté. Voilà. Ça a un prix, mais un prix. Bah, tu sais, tu avais, comment il s'appelle Querelle de Brest. Oui. Jean Genet. Genet, lui, il vivait à l'hôtel. Il n'avait rien. Tu parles de Jean Genet ? Ouais, ouais. Okay. Il possédait rien. Ouais. Et c'est comme ça qu'il pouvait dire tout ce qu'il voulait. Ouais, et okay. Quand tu commences à tenir quelque chose, c'est-à-dire que tu as des enfants. Mais Michel Simon aussi restait dans des hôtels, je crois. Michel Simon, ouais. Ah oui, bah lui aussi. Okay, bah ouais. Okay, bon. Bah là, tu parles d'un. D'un monument. Ah ouais, lui c'est un grand. Ouais. Alors, oui, reviens à Jean Genet. Oui, et si tu veux, ça lui permettait de dire tout ce qu'il voulait. Et personne, en plus, il avait fait tellement de tôle que, tu vois, avant qu'on l'envoie. Aussi à cause de son orientation et de sa vision. Mais on ne pouvait pas l'empêcher de parler. Non, non. Tu vois, et là, aujourd'hui. Mais ça adoucit, hein. Bah, tu sais, il y a un truc, c'est sous Sarkozy, par exemple, pour donner un petit temps. Il y a eu la propriété en France a augmenté, je crois, je sais plus, de 15%. C'est-à-dire, on est passé de 60 à 70, enfin, je sais plus où on est, aux alentours de 60-70% de propriété en France. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, comme tu es propriétaire, tu as acquis quelque chose. Donc, on peut te faire peur, et donc, tu as intérêt à t'écraser. La peur, c'est ça qui règne le monde, hein? Eh ben, qui contrôle le peuple. Moi, j'ai une copine qui est aide-soignante. Elle gagne 700 euros. Chez nous, on dit préposé aux bénéficiaires. C'est encore pire, hein? Ça, c'est pas mal. Et ça fait mal. Elle gagne 700 euros par mois. Elle a deux enfants. Elle est dans la merde. Oui. Monoparentale, sans doute. Ouais. Enfin, ils sont séparés. Donc c'est ça, monoparentale. Voilà. Elle est dans la merde. Oui, oui. Elle est vraiment dans la merde. Voilà. C'est vraiment triste. Mais c'est la vie... actuelle. Oui, mais c'est là où les artistes sont... Ils sont là pour représenter un peu... Après, tu sais, le peuple, moi je suis un art, c'est pas pour rien. Moi je suis pas communiste. Hein. C'est-à-dire, moi je crois pas au côté la foule, le truc. Moi, tu sais, je me suis frité... L'union fait la force, c'est de la merde. Non, mais je me suis frité avec la Ligue communiste révolutionnaire, je me suis frité avec... Non, pourquoi? C'est parce que là, même la démocratie aujourd'hui, si la démocratie c'est pour nous amener à Le Pen... Ah mais alors là, moi je sens la baramine. Hein. Moi ça ne m'intéresse pas cette démocratie. Et il y a un truc qui était assez intéressant sur mon Facebook, justement tu peux regarder, qu'à un moment donné j'ai insulté les gens. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était super intéressant. Oui. C'est que les gens, bon, qui m'insultent... Récemment, il y a trois semaines. Bon, qui m'insultent, ça je m'en branle. Mais ils ont commencé à attaquer le cinéma français en disant les artistes c'est des nantis. D'où les artistes c'est des nantis. Il y a trois stars, mais il y a 200 000 mecs qui crèvent la dalle. Donc ça, les artistes sont identiques. Ça, c'est une idée fasciste. C'est-à-dire, c'est toi, l'extrême droite qui monte. Ensuite, c'est comment dire, le fait que on doit faire pour le peuple des films qui doivent être marrants. Ça s'était mis dans de... Oui, endormir. Oui, bon, ouais. Non, mais pour eux, c'était... Ouais. Il faut ça. Dire, moi, je dirais... Voilà, toi, tu fais des films de merde, Bounik, parce que, dire, tu nous divertis pas. C'est ça. Dire, tu trucs et tout. Tu nous fais réfléchir. Tu nous fais réfléchir. Et voilà, exactement. Ouais. Dire, mais les mecs, ils me le disent. Ouais, tu peux regarder. Et c'est eux-mêmes qui demandent de pas réfléchir. Et c'est comme si, tout d'un coup, l'intellectuel, l'artiste, la réflexion, c'était en France quelque chose où on crachait dessus. Mais là aujourd'hui, c'est partout, je crois. Ah ben, en tout cas, en France, ça monte. Ouais, mais c'est, tu dis, alors, moi j'avais la prétention, l'orgueil, la prétention de faire des films pour faire réfléchir. Oh putain. Mais quand je disais ça, mais putain, comment je me faisais tabasser, quoi. Mais fuck off. Je dis, mais allez, tous me faire foutre. Je veux dire, ça ne changera pas. Tu vas continuer à faire ce que tu veux. Oui. Et c'est. Et j'espère bien que les gens. Que non, et puis, je ne peux pas le dire, mais je prépare des choses en. Non, je ne peux pas le dire. Je prépare des choses en sous-main. Okay. Et je te jure que d'ici une dizaine d'années, il y a certaines personnes qui vont être très très surprises parce que je fais des choses qu'on ne sait pas. Ok. Ah, mon Dieu, c'est mystérieux. Ah, ouais, très mystérieux, mais je te jure où le jour où ça va éclater. Mais légal. Ah, oui. Ah, oui, totalement légal. Laurent. Oui, tout à fait légal, mais je m'en compte quand ça va éclater, ça va être marrant. Ça va être très, très marrant. Ce qui me plaît, c'est que tu es à la hauteur de ce que je m'attendais de toi. Bravo. Tu es à l'image de tes films, à l'image de ce que tu écris, à l'image de ce que tu représentes. À travers ce que tu véhicules. Puis merci infiniment d'être enfin passé par chez nous. Enfin. Ça fait 3 ans que je travaille, que je bidouille. Et ça s'est fait aujourd'hui. Non, mais bon. Et c'est du. Non, c'est beau, je paye. Et c'est vraiment un grand plaisir de t'avoir rencontré. Non, ben écoute, c'est un grand plaisir. Et si je vais une fois là-bas. Au Québec. Toi, t'es au Québec, toi? Moi, je suis à Québec. À Québec, c'est d'accord. C'est KRL, tu vas aimer ça. C'est la première radio communautaire francophone ou associative au monde. D'accord, ok. Et... Ah, ben ça, j'aime bien, parce que là, tu sais, les radios libres. Carbone 14, là? Ben oui, Carbone 14. Bon, ben ça vient de chez nous, ça. Eh ben Carbone 14, si tu veux. T'as la fesse et gros sexe. Oui, et ben, Super Nana aussi. Oui, Super Nana, mais t'avais de la fesse, gros sexe. Et gros sexe, c'est un de mes comédiens qui joue dans pratiquement tous mes films. Ok. C'est Jean-François Galotte. Ok, mais écoute, une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est nous qui avons amené aux Suisses, aux Français puis aux Belges la façon de faire pour implanter une radio associative. Eh bien, tu sais, ce qui serait bien, c'est de le refaire parce que la radio libre ici, maintenant, c'est fini. Ben, il reste la radio libertaire qui est extraordinaire. Ah oui. Belle radio. Oui, mais moi j'y vais régulièrement, mais si tu veux, c'est. Enfin, tu vois. Oh, oui. Puis c'est écouté par des. Non, mais tu vois, alors qu'avant, avec des potes, enfin, moi je ne faisais pas partie de la radio, mais je portais les trucs, on allait sur les toits. On courait parce qu'il y avait les flics en bas. Et tu vois, ils étaient gamins. Hein. Et c'est-à-dire, on courait sur les toits, je sais plus, on trimballait des machins, des trucs et tout. Et hop, on mettait les metteurs ailleurs et après on redescendait. Mais c'est ça, la radio libre, c'est de laisser la place à ce qui est, autrement, à ce qui n'est pas commercial. Ouais. Et c'est ce qui anime CKRL depuis 42 ans. Ah ben, écoute, et tu viens de passer à cette radio. Ah ben très très bien. Non, mais j'y passerai physiquement. Eh bien, Laurent, heureux de t'avoir rencontré. Est-ce que tu peux prendre une photo? Ah ben, bien sûr, vas-y. Pour lorsque je vais faire l'émission, je vais te montrer ta bouille avec... Okay, d'accord, ok. Dernière fois? Ok, on y va. Ok, parfait. Merci, Laurent. Voilà, Je t'envoie l'enregistrement. Ouais, d'accord. Laisse-moi un mois, et demi. Ouais. Je t'envoie aussi le lien de mon émission, parce qu'à l'intérieur de l'émission, c'est autre chose, c'est pas la même affaire. Ouais. Et tu vas voir qu'est-ce que ça donne. Mon émission, c'est une émission surréaliste avec de l'improvisation. Donc, je sais pas où je m'en vais, mais je vais te... On verra. C'est comme la vie. Ben, c'est ça. Hey, merci. Salut. Bye. Et bonne continuation. Merci. Merci. We'll be right back. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.